Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce caprice de lecture un peu spécial, car aujourd'hui on va parler de Noël et de toute la magie de Noël qui peut nous animer, surtout dans notre région, avec un livre qui s'appelle Le Noël de la bande des cinq, écrit par une personnalité alors pétillante, mais je trouve aussi pleine de courage, José Dumas. Bonjour José. Bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez accepté de venir dans les studios de Fadjet pour m'accorder cette interview. C'est un immense honneur. Voilà. Alors, José, comme tous les invités qui passent ici, vous allez avoir 5 questions, 2 coupures musicales de votre choix. Vous nous expliquerez avant la diffusion de la coupure musicale pourquoi ces choix. Et puis, on va aussi, alors on va parler du livre, Le Noël de la bande des cinq, et puis on va aussi parler de vous. José, est-ce que vous êtes prêt? Pas de problème. Alors on y va. José, vous écrivez un livre de contes, donc comme je le disais en introduction, Le Noël de la bande des cinq. L'auteur, c'est Papy José, je crois que sans surprise, c'est vous. C'est moi. C'est bien vous. Pourquoi ce livre, José? Bien, d'abord, je ne suis pas un écrivain, donc qu'on comprenne bien les choses, c'est tout nouveau pour moi. Ouais. Alors pourquoi ce livre? C'est que à l'origine, je suis en retraite depuis peu de temps. Et quand on est en retraite, il faut se trouver des activités. Et en l'occurrence, j'ai perdu la vue un peu avant de partir en retraite. Ouais. Et il fallait que je trouve des occupations. Puis un jour, ma fille me dit « Papa, pourquoi tu n'écrirais pas un bouquin pour tes petits-enfants ?» Et j'ai dit oui. J'ai fait une bêtise, j'ai dit oui. Et après, il a fallu que je réfléchisse. Et je me suis dit « Pourquoi pas quelque chose pour Noël ?» Parce que j'ai 4 petits-enfants, 3 garçons et une fille. Ils sont jeunes encore. L'aîné va avoir 7 ans, 6 ans en fait, ils se suivent de très près, 2 de 4 ans, 5 ans maintenant, et 2 de 6 ans. Donc ils baignent encore dans la magie de Noël. Ils baignaient d'autant plus dans la magie de Noël que le livre, je l'ai écrit il y a 2 ans, donc Noël pour eux, c'était une chose importante. C'est et la chez magie. Nous, il faut bien avouer que les fêtes de Noël et les fêtes de Saint-Nicolas, puisqu'on commence toujours par la Saint-Nicolas en Lorraine, particulièrement chez nous, c'est des fêtes hyper importantes. Et donc, j'ai eu facile à trouver le thème de ce bouquin, mais une fois qu'on a trouvé le thème, il faut l'écrire, quoi. Et j'ai eu l'idée de faire un conte de l'Avent, c'est-à-dire une histoire par jour, pendant 24 jours. Voilà. D'où est venu le livre, c'est grâce à ma fille. C'est un peu un pari, en fait. Comment elle s'appelle, votre fille? Julie. Eh bien, merci, Julie, parce que je pense qu'elle... Vous nous dites en introduction que vous n'êtes pas un écrivain. Moi, je pense que si, et que vous avez encore, que c'est juste le début d'une nouvelle aventure quand on est capable de faire ça. Surtout quand on est non-voyant, je pense qu'on est capable de plein d'autres choses après. Donc, merci Julie. Moi, je tenais à la remercier. Elle a d'autres sœurs, qui était bien derrière. Julie et ses sœurs, que je n'oublie personne. Olivia et Laura, mes deux jumelles, qui sont très importantes pour moi aussi. Bon, alors merci aux trois filles de également José. Fortement complices. Alors justement, vous l'avez évoqué, ce sera l'objet de ma deuxième question. Vous choisissez la période des fins d'année. C'est une magie particulière. Vous parlez de vos petits-enfants sur cette magie. Mais je suppose que pour vous aussi, ça a une magie particulière. Vous avez été papa, vos filles ont été petites. Est-ce qu'encore, après toutes ces années, la magie opère grâce à vos petits-enfants ou juste vous aimez particulièrement cette période pour tout ce que ça apporte en sérénité et puis en joie, cette espèce de parenthèse tout le mois de décembre qu'on peut s'offrir? J'ai toujours été très attaché à ces fêtes de Noël parce que dans ma famille déjà on le fêtait beaucoup, on fêtait la Saint-Nicolas, je le répète, et mon épouse qui est une Alsacienne, alors Saint-Nicolas en Alsace c'est quelque chose très très important. C'est très sérieux. Donc nous ça commence les fêtes au 1er décembre, 1er décembre c'est les manalas que fait ma femme, donc il y a toute cette ambiance, les décorations commencent évidemment début décembre, les enfants sont associés, c'est eux qui mettent les boules sur le sapin, enfin, c'est hyper important chez nous. Et on fait déjà la fête à Saint-Nicolas avec un goûter particulier avec les papas, maman, les enfants, tout le monde. C'est hyper important. Et c'est donc, chouette. Et c'est fondateur de ça. Pardon. C'est fondateur d'une famille, je trouve. Absolument. Hein, oui. C'est ce qui fédère une famille où les gens entre eux. C'est très chouette. En plus, je pense qu'on a donné un peu le virus à nos enfants puisqu'ils le font aussi. Évidemment, c'est très précieux aussi. Ils font comme nous. Ils font comme c'est nous. C'est bien. C'est très ils très bien. Ils copient maman pour tout ce qui est. Tout ce qui est gâteau, tout ce qui est brioche et compagnie, c'est important. Alors, on va faire une première coupure musicale avec une musique de votre composition, José. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette musique de votre composition, comment on compose une musique quand on est, alors, non-voyant, certes, mais quand on n'est peut-être pas forcément un musicien. Est-ce que vous êtes musicien ? Oui, j'ai été musicien. Ouais. Enfin, j'ai fait de la musique, j'ai fait des animations, j'ai fait pas mal de choses à l'époque où je voyais. La musique, bah, ça fait pareil depuis que je suis retraité, d'à peu près 2 ans que j'ai commencé à créer des musiques. Ouais. Alors, créer des musiques, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer de la musique ? Bon, déjà parce que j'ai toujours été passionné par ça, mais surtout parce qu'il existe des nouvelles choses maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a des logiciels qui permettent, à partir d'instruments virtuels, de créer des mélodies, de créer des tas de choses. Okay. Et puis, il y a ce que tout le monde entend, on en parle partout, l'intelligence artificielle. Voilà, c'était ma question. Je me dis, mais comment il fait pour créer des musiques comme ça ? Voilà. Donc, c'était le premier mot qui me venait à l'esprit, intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, ça peut être très magique, c'est vrai. Donc, elle me sert beaucoup pour créer les mélodies, pour créer les rythmes, avoir les instruments. Mais l'intelligence artificielle ne fait rien seule. Il faut quand même lui donner les instructions les plus précises possibles. Mais je commence toujours par écrire les paroles. Et là, les paroles, c'est moi qui les écris. Okay. L'intelligence artificielle peut en écrire, mais c'est tellement mal foutu que ça ne me plaît pas. C'est vous qui les écrivez. Et en fait, ça a commencé, je suis un peu long peut-être. Hein, non, allez-y. Ça a commencé parce que, encore une fois, c'est toujours la même fille, Julie, qui m'a demandé, dit « Papa, pourquoi tu n'écrirais pas des choses sur... » Parce qu'il est vrai qu'on aime bien savoir d'où on vient, les origines, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune, etc. Pourquoi tu ne l'écrirais pas ? Bon, après tout, pourquoi pas ? Puis ma femme me dit, en plus, t'aimes bien la musique, pourquoi tu ne les mettrais pas en musique ? Et ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça. Donc en fait, à chaque fois que j'écris un chapitre de ce livre, qui n'est pas fini, il sera peut-être fini l'année prochaine, mais il avance bien, à chaque chapitre, il y a une chanson. Ok. Voilà. Donc là, on va écouter une musique de votre composition. Ouais, mais ça, c'est pour l'album des enfants, parce que comme j'ai écrit le livre, je me suis dit, chaque chapitre, une chanson, pareil. Voilà, c'est pareil. Et on se retrouve juste après. Ok. Chers petits enfants, dans ce livre de l'Avent, vous y vivrez des aventures et des moments époustouflants. L'énigme Alon, Nolan, Eva, ensemble vous m'avez inspiré. Dans mon imaginaire, la bande des cinq est née. J'ai écrit ce livre spécialement pour vous. Un rêve fantastique, des aventuriers de vrais casse-cou. Lenny, l'aîné, souvent plongé dans la réflexion. Tu es curieux et poses toujours les bonnes questions. Malone est 6 mois après protecteur de ton petit frère. Tu veilles sur le groupe, tu es attentif, toujours envie de bien faire. Nolan est 2 ans plus tard, au regard charmeur et rusé. Tu es débrouillard fonceur et toujours plein de bonnes idées. Eva, ma princesse, la petite dernière, toujours souriante. Tu as toujours quelque chose à dire, tu es étonnante. Vous êtes mes trésors dans ce monde enchanté. À travers ces pages, c'est votre histoire qui est contée. Et des moments époustouflants. Lenny, Malone, Nolan, Eva, ensemble vous m'avez inspiré. Dans mon imaginaire, la bande des cinq est née. Et puis il y a Scooby, votre fidèle compagnon. Il est toujours à vos côtés, toujours prêt pour une bonne baston. Loyal et vigilant, jamais loin de l'action. Il protège la bande des cinq avec efficacité et passion. À chaque épreuve, chaque rire et chaque aventure passée, c'est votre union qui fait votre force et votre incroyable efficacité. Créer ces histoires fut une trop belle mission. J'ai pris mon temps presque 1 an jusqu'à leur finition. Des mots changés sans arrêt pour les mettre en musique et vous les faire chanter. Mais pour vous, mes petits, j'étais prêt à tout donner. À écouter ou à lire, vivez ces aventures. Pour vous, ce sera un vrai plaisir, je vous l'assure. Vous partagerez peut-être aussi ce livre avec vos enfants. Un héritage d'amour à travers le temps. Bientôt, je pense, de nouvelles aventures naîtront. Dans un futur proche, qui sait, un nouvel envol, elles prendront. Je pense déjà à vous, à tout ce que vous vivrez, avec tout mon amour, mes trésors. Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de José Dumas, alias Papy José. José, est-ce que ça va bien ? Oh, parfait. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui. Ah, super. Toute l'après-midi. Alors, ce serait avec grand plaisir. Non. José, vous l'avez évoqué, voilà, au passage, dans la première partie d'émission, vous êtes devenu non-voyant et vous avez écrit ce livre, donc le Noël de la bande des cinq, et pensez les musiques tout seul. Moi, j'y vois un message d'espoir, un message de courage pour les personnes qui sont alors non-voyantes de naissance ou qui, comme vous, sont devenues non-voyantes. Et là, pendant la pause musicale, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que vous avez eu la phase c'est pas moi, enfin, s'il n'y a pas assez de lumière, c'est pas possible. Voilà. La deuxième phase où vous vous dites que vous n'êtes plus bon à rien, et la troisième phase où vous vous dites mais si, j'ai encore des choses à faire. J'aimerais bien qu'on en parle un peu de ça, parce que le fait d'en parler, il y a peut-être des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui nous écoutent, et je trouve que ce serait un super message. C'est les phases connues, hein, c'est un psy qui m'en avait parlé un peu, et ouais. C'est vrai que, quel que soit l'handicap, même la vieillesse peut être considérée comme un handicap. On a un peu ces phases à traverser. La personne qui vieillit, qui est obligée de mettre des lunettes, c'est pas de ma faute, c'est parce que le journal n'est pas assez près ou il est trop loin, etc. Deuxième phase, je deviens vieux, je sais plus quoi faire. Puis troisième phase, on bouge. Voilà. Mais vous étiez un très actif quand vous étiez encore en phase d'activité. Dans ma vie professionnelle, oui, tout à voilà. fait. Et ouais. Est-ce que vous faisiez autant de loisirs? Ou est-ce que c'était vraiment dédié à votre vie pro? Non. Enfin, non. L'informatique m'a toujours passionné, la musique m'a toujours passionné, ouais. Mais ça, je faisais ça un peu de manière annexe, mais je n'avais pas beaucoup le temps. Ouais, le boulot me prenait beaucoup de temps. Le boulot, la famille, ouais. C'est pas toujours simple. Ah bah la famille, j'ai une famille en or, donc ouais. Voilà, d'où le livre. Mais non, surtout qu'on était six à la maison, hein. Il y avait quatre enfants, voilà. Ok. Alors, José, vous avez d'autres cordes à votre arc et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Dites-nous, vous avez d'autres passions que l'écriture et tout ça, la musique, créer de la musique et tout ça. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Moi, je suis aussi très admirative de ça. J'ai toujours été passionné par les ordinateurs, mais ça, c'est depuis tout petit, je suis pratiquement tombé dedans. Dès que l'ordinateur était connu dans les années 80, j'ai eu le premier Macintosh entre les mains, puis ensuite j'ai eu des PC. Je me suis toujours passionné par ça et par la programmation, c'est un bien grand mot, on va dire, la programmation sur Excel, Word, Visual Basic, etc. Ouais. Ça m'a toujours passionné. J'ai toujours voulu créer des choses dans le cadre de mon travail, donc inventer de nouvelles méthodes d'analyse, inventer des nouvelles perspectives financières, etc. Et c'est la créativité qui me plaît dans l'informatique. Et puis quand j'ai perdu la vue, je me suis dit, je suis foutu, je ne peux plus utiliser mon ordinateur puisque je ne vois plus l'écran. Et bon, j'ai changé un peu de matériel. Je suis passé de Windows à Apple. Ouais. Et puis même maintenant, il me reste que deux choses. Même une chose, un clavier, point. C'est tout ce qui me reste. Et puis le lecteur d'écran. Puis avec ça, je dis, on peut faire quelque chose. Et en fin de compte, je pense pouvoir dire que j'utilise l'ordinateur comme j'utilisais avant, sans voir un écran. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de souris. Et donc, vous voyez, moi, ce que je vois là, c'est que vous voyez toujours le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Oui, vous trouvez toujours un moyen de vous réadapter, en fait. Oui, mais surtout, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire aux gens qui ne voient plus ou même qui voient mal. Ouais. Tu vois peut-être pas bien ton écran, mais moi, je vais t'apprendre comment utiliser ton ordinateur sans écran. Voilà. Extraordinaire. Et ça, c'est faisable, c'est, ouais. ça nécessite. Et ça, je fais des cours informatiques pour des personnes non-voyantes. Ok, vous faites partie d'une asos. Tout à fait, ouais. Qui s'appelle Qui s'appelle Du Sport Plein la Vue. On n'est pas beaucoup, tiens, je fais un appel. Hein, s'il y a ouais. des gens qui veulent adhérer à notre association bénévole ou des personnes qui ont des difficultés visuelles, okay. peuvent venir dans cette association. Ils verront, il y a une ambiance super sympa et il y a pas mal d'activités qui pourront trouver leur bonheur sans nécessairement... Elle est où, cette asos? Et on n'a pas vraiment de siège social. Okay. Le siège social était jusqu'à maintenant chez la présidente. Mais sinon, bah, on fait des marches. Donc, on se retrouve pour une marche. On, va, ouais. on fait un repas par mois. On fait les cours informatiques. Ça vous permet de vous retrouver. Voilà, la piscine okay. tous les jeudis. Ah, sympa. La ouais. gym tous les vendredis. Enfin, on est ouvert même à toutes les idées. Hein. On peut faire okay. de la pétanque. Hein. Pétanque pour non-voyants, ça marche aussi. Ok. Et en plus, on apprend plein de choses, nous, les voyants. La pétanque pour non-voyants, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait exister, vous voyez. Je joue à la pétanque avec ma femme et mes enfants, etc. Et okay. je suis le seul à ne pas voir, et pourtant je joue. Et vous jouez, je suis sûre ouais. que vous gagnez. Ça peut m'arriver, ah, oui. Ouais, je ne suis pas si mauvais que ça. Ouais. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale qui est extrait, également, donc, ou liée, on va dire, à l'album Le Noël de la Bande des Cinq. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Déjà, bien comprendre Blentonaille, parce que oui, l'histoire se passe en Alsace, dans un oui. village alsacien imaginaire. Et trouver le nom du village imaginaire, bah, j'habite Tomblaine, et donc j'ai mis en verlan Blentom et Heim voilà. pour l'Alsace. Parce qu'on voilà. trouve que des villages ont Heim dès qu'on arrive en Alsace. Voilà. Donc je décris dans cette chanson ce village, et en particulier la maison de papy et mamie, qui n'est pas la mienne à Tomblaine, mais bon, je l'ai imaginé comme ça. Ouais. Et puis les enfants viennent passer les vacances chez nous. Et c'est là que tout commence, c'est là où toutes les aventures vont arriver. Alors on écoute et on se retrouve juste après pour une dernière question. Niché au pied des Vosges, ce joli village alsacien. Blaine est au Maïm et recouvert de neige comme dans un écrin. Les maisons à colombage s'y blottissent, formant une jolie fresque. Un charme, une ambiance chaleureuse, un paysage pittoresque. En son centre s'élève une imposante église classée. Sous l'autorité du père Roquet, sévère mais respecté. La mairie conduite par le maire Michel face à cet édifice. Avec l'école à côté, Monique, sa femme, en est la directrice. Dans le village de Blétomaïm, en hiver, luge et boule de neige, les enfants rayonnent. Emmitouflés sous un bonnet, leurs cris résonnent. C'est les vacances de Noël, c'est cool, c'est super. Tout autour de la place, les commerçants, les renommés, le bœuf, boucher, artisan, les fameux gâteaux pétrins, le pâtissier et le couple Noël secret, le magasin de jouets. Les dioluches à l'entrée du village sont solitaires. Les voisins bidulets sont leurs amis, ils font la paire. Complicité assumée des enfants, du même âge des comploteurs. Trouduc, Bébert et Toto, frères jumeaux, des bagarreurs. Dans le village de Blétomaïm, en hiver, luge et boule de neige, les enfants rayonnent. Emmitouflés sous un bonnet, leurs cris résonnent. C'est les vacances de Noël, c'est cool, c'est super. Mamie et papy, dans leur belle maison décorée, attendent leurs petits-enfants, les vacances arrivées. Les biscuits de Noël sont déjà cuisinés. La famille sera bientôt complète pour le dîner. Malone, Lenny, Nolan et Eva, les quatre cousins, sont heureux de venir chez mamie et papy enfin. Leur fidèle compagnon, le chien Scooby, lui aussi, wife, wife, sera de la partie. Papy José fredonne, il est dans son bureau. Il est heureux de voir ses petits-enfants arriver bientôt. Il a hâte de leur raconter les histoires avant de dormir. Ils adorent ça, avec de la magie, un vrai plaisir. Décidément, Blaine et Omaïm, nous sommes tombés sous ton charme. Blaine et Omaïm, village enneigé où les enfants rient aux larmes. Scooby, Lenny, Eva, Malone et Nolan. Dans ce tableau hivernal, la joie dure tout le temps. Dans le village de Blétomaïm, en hiver, luge et boule de neige, les enfants rayonnent. Emmitouflés sous un bonnet, leurs cris résonnent. C'est les vacances de Noël, c'est cool, c'est super. Dans le village de Blenheim en hiver, luge et boule de neige, les enfants rayonnent. Emmitouflés sous un bonnet, leurs cris résonnent. C'est les vacances de Noël, c'est cool, c'est super. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission de Caprice de lecture consacrée à José Dumas et à un de ses livres, Le Noël de la bande des cinq. José, pour clôturer ce caprice de lecture assez original, je dois le dire, c'est la première fois en 3 ans que je reçois un auteur non-voyant. Pour moi, c'est un grand honneur. Sachez-le. Merci. José, si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui à des personnes non-voyantes, voyantes, qui ne se rendent pas compte en fait de l'infinité des possibilités qu'on a, même si on a perdu un sens, est-ce que vous auriez un petit message d'espoir ou de courage à transmettre aux auditeurs? D'espoir, de courage, ce que je dirais surtout, c'est que l'handicap, ce n'est pas une fin en soi. Une fois qu'on est handicapé, on le sait, il faut vivre avec. Et, ouais. Et vivre avec ne veut pas dire se renfermer sur soi-même. Je me suis renfermé pour moi-même hein, quand j'ai perdu la vue. Ouais. Et je rencontre beaucoup de gens qui se renferment sur eux-mêmes en se disant « je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça ». Ils se mettent des freins tout seuls ou des barrières tout seuls. Ils se mettent des freins tout seuls. Ouais. Je ne peux plus faire de vélo, j'aimais ça. Alors on fait du vélo dans mon association, on fait du tandem, vous voyez. On peut faire de la natation. Il y a tellement de sports, d'activités qu'on peut faire sans nécessairement se considérer comme handicapé. Ouais. Il y avait une chanson que j'ai écrite sur l'handicap. Et cette chanson m'était venue parce que justement, j'ai rencontré deux cas. Un premier cas... dans un hôpital, j'étais avec ma femme, et on arrive dans la salle d'attente, et l'infirmière vient nous voir, elle dit à ma femme, bah, écoutez, monsieur, il faudra qu'il s'assoie là, il n'en a pas pour longtemps, le médecin vient le chercher, et bon, moi, je n'ai pas un caractère à me laisser faire, mais ma femme m'a donné un coup de coude, elle me dit, tais-toi, parce que j'aurais dit, écoutez, je suis devant vous, je suis intelligent, je comprends ce que vous dites, pas besoin de parler à ma femme, parlez à moi. Donc là, c'était un premier cas, et le deuxième cas, j'étais dans un repas, et c'était, je crois, le frère d'un ami qui nous a invités. Il me regarde, puis il me dit, franchement, t'as pas de chance, t'es non-voyant, j'aurais préféré à ta place être sourd. Oh et là, encore une fois, je me suis tué, puisque c'était le frère d'un ami. Oh là là, mais simple. Et bah, pas très délicat, en plus, dire ça. Fin... Et j'ai fait une chanson coup de gueule sur l'handicap, mais plutôt du côté positif, plutôt que du côté négatif, en disant, foutez-moi la paix. Je suis comme vous, voilà. Donc l'handicap, moi, c'est un message à passer. L'handicapé n'est pas nécessairement quelqu'un d'à part. C'est quelqu'un avec qui il faut vivre. Bon, des fois, il faut faire un peu attention à lui, évidemment. Ouais. Mais lui-même apprend à vivre avec son handicap et peut vivre normalement. Il y a des jeux qui sont créés pour des non-voyants. Il y a une association qui s'occupe de ça, d'ailleurs, sur Nancy. J'en connais une autre à Paris. Alors, ce que je n'aime pas, c'est qu'on crée des jeux pour les non-voyants de telle sorte à ce que ce soit les voyants qui jouent avec les non-voyants. Ah oui, or, d'accord. Moi, je ne veux pas ça. Je dis toujours, le non-voyant doit s'adapter au monde jeu. Normal. Donc, autant le voyant doit venir avec son jeu, et non-voyant doit s'adapter. Ce n'est pas l'inverse. Ok. C'est très intéressant. Et ça reflète un peu... Ça reflète aussi votre personnalité, José. Ah, complètement, oui. Ouais. José, ce caprice de lecture se termine. Je suis encore... très flatté et honoré que vous ayez accepté de venir dans Caprice de lecture, dans les studios de la radio, pour nous parler de votre livre et aussi d'une partie de votre vie quotidienne, de votre famille. C'était super chouette. Merci à vous. Et ben nous, on se dit à très vite pour de nouveaux Caprices de lecture. Au revoir.